Les vainqueurs ne lâchent point. La victoire est dans notre camp. Yeah! Qui est celui qui a vaincu le monde? C'est celui qui a la foi en Jésus-Christ. Recherchez la paix avec douce et la santé, la sens à laquelle personne ne verra Dieu. La bocconti n'a jamais banani va bocota kuna. Oh, Canada.